Valide Trépidante de Brigitte Tornade de Camille Coller. 17e épisode, l'annonce. Alors ma copine Laurence est enceinte, elle me l'a dit hier soir. C'est marrant, comme l'annonce d'une grossesse, ça peut déstabiliser. Bon, bah voilà, tu dois te demander pourquoi j'ai cette tête de déterré. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, avec Jérémy, on va avoir un bébé. C'est vrai? Mais c'est génial! Oh non! Oh ma puce! Mais c'est génial, bravo! Mais pourquoi tu pleures comme ça? C'est l'émotion! Bah non, c'est juste que c'est un tournant dans ma vie, quoi. Après, je serai une mère. Une mère. Comme toi. Bah ouais, mais c'est génial, tu vas voir, c'est une super aventure d'avoir des enfants. Ouais, je vois bien que t'es heureuse. C'est bien. Oui, mais perso, j'ai quand même du mal à me dire qu'à partir de maintenant, j'arriverai même pas coiffée aux soirées de filles. Enfin, je sais que c'est pas ça qui compte. Dans le fond, c'est secondaire. Toi, je sais que t'es heureuse comme ça. Hein. Attends, pourquoi tu dis ça? Parce que tu trouves que genre, je suis pas coiffée Si, pardon. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ta coiffure, en plus. En plus, aujourd'hui, je trouve que ça va vraiment pas mal, quoi. Non, mais je vais m'y faire. Je vais me raisonner. Après tout, il y a pire que de devoir se fringuer en taille 44. Évelan, dans les dents. Je précise que je mets pas du 44. Enfin bon, à l'annonce d'une grossesse, les gens peuvent avoir des réactions surprenantes. Avec Paul, quand on a annoncé qu'on attendait des jumeaux, alors là, c'était un festival. D'abord, il y a eu mon frère et ma belle-sœur. Alors on a prévu du champagne, parce qu'on a une nouvelle à fêter. Ah. Et oui. On attend notre premier bébé pour la fin de l'année. Oh, c'est excellent. Et ben nous aussi. Génial. Ah bon? Mais vous en avez déjà une? C'était notre tour là. Et en plus, nous, c'est des jumeaux. Ouais. Oh génial. Et c'est pour quand Marie-Lorraine? Oui, le 15 décembre en principe. Oh, trop drôle! Ah ben moi c'est le 2! Nanana, on sera avant vous! Ouais. Super. Et sinon, t'as pas l'impression de tirer la couverture à toi là? Attention. Quand on l'a dit à mes parents, c'était différent. Mais pas mal non plus. Des jumeaux? Oh, mais c'est bien ça, Gigitte! T'es contente? Oui, je suis contente. Oh, c'est bien, dis donc. Ah oui, c'est bien, tant mieux. Oh, c'est une bonne nouvelle. Je suis bien content de l'apprendre. Enfin, papa, en même temps, je te l'avais déjà dit la semaine dernière. Ah oui? Enfin, bon, écoute, c'est bien. Des petits jumeaux. Tiens, ça me fait penser, Paul. Je vous ai montré ma nouvelle maquette. Alors. Le pont d'Avignon. Ça va vous épater. Hein. Venez voir, mon petit Paul. Allez, je vous suis, le pont d'Avignon. Ah, voilà Monique. Monique, dis donc, Gigitte vient de me dire qu'elle attend des jumeaux. C'est bien, hein? Eh ben oui, André. Elle nous l'a annoncé la semaine dernière. T'écoutes jamais rien. Je sais, merci. Oh, allez. D'ailleurs, sympa pour moi qui vais devoir tout reprendre à zéro. Comment ça, tout reprendre à zéro? Ah bah oui, fatalement. Des jumeaux, ça veut dire tout en double. Donc, tout ce que j'ai déjà tricoté, faut que je recommence une deuxième fois. Et avec la même laine, bien sûr. Mais enfin, ça n'intéresse que moi. C'est mon problème. Bah, excuse-moi, maman, mais on pouvait pas deviner non plus qu'on allait avoir des jumeaux. Peut-être. Mais reconnais qu'avec toi, rien n'est jamais simple. Hein. Oh. Et puis Paul, avec ses idées de hippie, il va encore nous expliquer qu'il ne veut pas savoir si c'est fille ou garçon. Donc, pour la layette, c'est des bruits Monique. Hein, c'est comme ça. Des jumeaux. Ah là là là là, j'ai pas fini d'en baver, je te jure. Et moi, maman, j'ai pas fini d'en baver, non mais c'est dingue. Quand on est parti, j'étais mais verte, quoi. Paul, ça le fait barrer quand je m'énerve sur mes parents. Alors lui, bien sûr, c'est un ultra détendu. Surtout avec sa mère. Allez, assieds-toi. Au temps-là, faut que je te dise un truc. Oui. Alors, Brigitte attend deux heureux événements pour la fin de l'année. C'est vrai. Ouais. Formidable, ça, Brigitte. Oui, bravo, mon polochon. T'as bien travaillé, hein. Alors, ça va vous en faire combien en tout? Trois. Ah, bah oui, bien sûr. Avec Caroline, ça fait trois. Alors, Clémentine, maman, c'est Clémentine, ta petite fille. Comme t'en as qu'une, c'est peut-être un peu jouable de retenir son prénom, non? Je sais pas. Oh là là, regardez Brigitte comme une étendue. Bien sûr que je sais qu'elle s'appelle Clémentine. C'est la petite fille de Luc. Tu sais, Luc, mon nouveau copain, là. Elle s'appelle Caroline. Oh là là, elle est mignonne. Elle est mignonne, cette petite. Oh là, elle est dégourdie. Oui, bon, bah, on s'en fout de la petite fille de je sais pas qui, là. Tu peux t'intéresser à ce qu'on te raconte? Oh, il est incroyable. Depuis toutes ces années, il angoisse toujours que sa maman puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui. Excuse-moi, maman, je t'annonce juste qu'on va avoir des jumeaux et tu nous parles d'autre chose. Chez les gens normaux, les gens... Ça y est. Alors, les gens normaux. Mon Polochon et son rêve de normalité. Il est un peu psychorigide parfois. Hein. Vous trouvez pas, Brigitte? Non. Je sais pas. Ah, mais si. D'ailleurs, des fois, quand je le vois tout coincé, là, comme ça, je me dis que... J'ai pas tort d'avoir eu un doute sur son père. Quoi? T'as dit quoi, la maman? Quelqu'un veut boire quelque chose? Je vais aller faire un tour dans la cuisine, là. Vous voulez un... Non, attendez, Brigitte. Faut que je vous raconte. Parce que, à l'époque, j'étais artiste de rue. Et Gunther, le père de Paul, était jongleur. Enfin bon, on était moins coincés que vous. Et j'ai toujours eu un doute sur René. Avec qui je m'entendais bien aussi. Lui est devenu pharmacien. Et c'est vrai que quand je vois Paul aujourd'hui avec ses petites obsessions là de cadre, son côté vivant dans les clous, etc., j'ai l'impression de revoir René qui trie ses pilules là dans son arrière-boutique. Non mais attends, mais tu plaisantes maman, mais c'est pas Gunther mon père? Mais tu te rends compte là de la bombe que t'es en train de me balancer à la figure là? Ça y est, ça le reprend, il s'énerve. Je ne te dis pas que c'est pas ton père. Comment veux-tu être sûr de ce genre de choses, de toute façon? Je te dis juste que ton côté coincé me fait plus penser à René, voilà. Mais où est le problème? Tu connais ni l'un ni l'autre, de toute façon. Non, Brigitte? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui. Ah, tu vois? Tu vois, Polochon, Brigitte aussi dit pareil. Non, enfin oui, enfin, pas pareil, hein. C'est quand même plus nuancé. Qui veut de l'eau, là? Ah, très bien, oui, amenez de l'eau à Paul, parce que ça le met dans un état de nerf d'attendre des jumeaux. Oh, mon grand, va falloir que t'apprennes à te détendre. C'était... La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collère. Avec... Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Philippe Duquesne, Fanny Cottençon, Françoise Lebrun, Elios Noël, Sidonie Laurence et Emeline Bayard. Remerciements à Elodie Fiat. Bruitage. Sophie Vicente. Conseillère littéraire. Céline Geoffroy. Prise de son. Montage. Mixage. Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric Ossier.